La chronique d'Emmanuel, bonjour. Mais que puis-je donc faire demain? Dans quelle activité, dans quel métier m'investir? C'est la question que se posent de nombreux jeunes actuellement en classe de terminale, dans les lycées. Une question pas facile pour certains, pas très claire encore pour d'autres. Tant prendre la décision de son orientation vers le métier que l'on souhaiterait exercer demain n'est effectivement pas toujours évidente de nos jours pour les jeunes. Si le spectre du chômage en effet, embrume encore l'avenir et le marché du travail. Le parcours d'études à entreprendre pour une formation longue en grandes écoles ou en faculté, débouchant sur un métier que l'on aimerait exercer, peut apparaître vraiment, pour beaucoup de jeunes, comme un parcours du combattant. Ce parcours, on ne le sait pas toujours, connaît actuellement sa première étape pour tous les élèves en terminale. Si les épreuves du bac, toutes sections confondues, qu'il s'agit bien évidemment de réussir, sont bien prévues pour le mois de juin prochain, c'est en effet maintenant, jusqu'au 20 mars, le moment pour tous les candidats de s'inscrire sur Internet, en post-bac, comme on dit, pour exprimer des vœux concernant les formations dans lesquelles ils souhaiteraient s'engager l'année prochaine. Cette démarche est donc importante pour tous ces futurs bacheliers. Elle demande déjà pour le moins réflexion et investissement. Cette première formation supérieure, en faculté ou en grandes écoles, déterminera en effet largement leur avenir. Ce qui compte, ce qui me semble en tout cas important, c'est cette possibilité qui leur est offerte à chacun de pouvoir dès maintenant exprimer la formation qui les intéresse. Bien sûr, ce choix se trouve un peu limité, orienté déjà par les contraintes des filières dans lesquelles ils se trouvent depuis la classe de seconde. Mais il peut leur donner des outils utiles pour s'épanouir demain dans le travail qu'ils désireront réaliser. Souhaitons aussi bon vent à tous ces futurs bacheliers, qu'ils trouvent dans ce premier choix où ils s'inscrivent le courage de s'investir vraiment dans des projets d'études qui leur permettra demain, selon leurs désirs et aussi leur volonté, d'exercer un métier intéressant, parce qu'au service de tous. À la semaine prochaine.